Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Jacques Foccart, grand ordonnateur de la France-Afrique. Officiellement, il est secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches. Mais souvent, il est désigné comme Monsieur Afrique, le prince des ténèbres dans l'ombre du pouvoir, le père de la France-Afrique. Qui est Jacques Foccart ? Laissons-lui la parole. Je déclare formellement, et je demande à quiconque peut me prouver le contraire de venir me trouver et me le dire, jamais il n'y a eu un réseau au sens d'un réseau organisé structuré pour mener une action politique. Les réseaux, ce qu'on appelait les réseaux Foccart, c'était les relations que j'avais avec tel fonctionnaire, tel homme d'État, tel ministre, tel ecclésiastique également. Mais c'était pas un réseau. Jacques Foccart qui s'exprimait sur RFI en 1995. Il n'y a pas de réseau Foccart. Bonjour Jean-Pierre Batte. Bonjour. Azette, vous avez écrit Les réseaux Foccart, l'homme des affaires secrètes. Alors, vous avez écrit sur un sujet qui n'existe pas. Les réseaux Foccart n'existeraient pas du point de vue de Jacques Foccart. Oui, de même que ces archives qui, du point de vue de beaucoup de personnes, n'existaient pas. Il a quand même laissé 400 mètres linéaires que j'avais la charge de classer. Alors, il joue un petit peu sur les mots, mais il y a quand même une raison à tout cela. Il ne le fait pas gratuitement. Comme c'est un homme qui vient de la résistance, pour lui, les réseaux, c'est des organisations clandestines liées à des opérations de renseignement, d'action, qui étaient fortement marquées par sa culture donc de la résistance, puis des services de renseignement auxquels il a été un temps affilié. Donc quand il dit ça, il se fait répondre, puisque là il parle à la veille de sa mort, en 1995, il se fait répondre en 1982, en réalité, lors de la commission d'enquête parlementaire sur le SAC, le service d'action civique. Effectivement, le débat a été ouvert et un parlementaire lui dit « Mais d'accord, on peut quand même avoir une conception un peu plus large de cette définition. » Et puis, quand on l'écoute une dizaine d'années plus tard, on est sur le même consensus. Ce sont toutes les relations qu'il a réussi à fédérer autour de lui avec une longévité sur la politique africaine de la France extrêmement longue. Avec un nom que l'on associe systématiquement à la France-Afrique, Jacques Foccart, les réseaux Foccart. Foccart, on voit même un peu son visage avec ses lunettes de soleil, c'est devenu un stéréotype. Qui est-il ? D'où vient-il, ce Jacques Foccart ? Alors, vous avez raison de commencer par le stéréotype, parce qu'en fait, très longtemps, il a été décrit comme une ombre, sa biographie a elle-même été l'objet d'énormément de fantasmes. Il a fallu trouver du soufre à tout, à sa naissance. On lui a prêté le fait d'être le fils illégitime d'une nonne, puis d'être apparenté à la famille de Monaco. Tout ça sont des reconstructions a posteriori. Très longtemps, il n'y a pas eu de biographie précise forcément sur lui. La première biographie en plus, c'est Pierre Péan. Donc c'est avec, une investigation à charge qui a été faite à partir des années 80-90, au moment où la France-Afrique est dénoncée dans l'espace public et où Jacques Foccart est en train passer la main et puis finalement de mourir en 97. Donc Jacques Foccart, au départ, il naît en 1913. À Ambrières, dans la Mayenne. Il vient d'une famille qui est liée à la Mayenne et surtout à la Guadeloupe, avec des exploitants agricoles, notamment dans la banane. Il gardera un pied guadeloupéen extrêmement fort, il y grandit. Et puis, il grandit surtout dans un milieu catholique, lui-même de droite. Lui-même dira dans les années 30, sans faire de politique directement, il était plutôt côté Action française que côté Front populaire. C'est sa propre expression dans ses entretiens avec Philippe Gaillard. Donc, on a affaire à un homme qui vient d'une famille bourgeoise, avec des liens sur les mondes ultramarins, et qui en réalité découvre son destin, découvre sa voie à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'on a ce moment très particulier dans l'existence de tous ces individus, et cette génération, vous l'avez rappelé, elle est née en 1913, et la question du choix, que faire ? Alors, la guerre commence, il s'engage, il est militaire dans un premier temps, il est appelé. Il est appelé, et puis il a cette chance, entre guillemets, que plusieurs millions de Français n'ont pas eu, qui est de ne pas être fait prisonnier. Donc ça veut dire qu'il peut être démobilisé, qu'il peut rester sur le sol national, il reprend ses activités, il crée une entreprise de bois, en gros, pour faire du commerce de bois. Et très rapidement, il monte un réseau de renseignement. Sa particularité, c'est que il est donc toujours dans cette zone, hein, la Mayenne, l'Orne. Il va assez... D'abord, il va mettre un peu de temps, comme tout le monde, à constituer son réseau. Et puis, à partir de 42-43, il se fait raffilié au bureau central de renseignement et d'action. Ça veut dire qu'il est dans le sillage des réseaux gaullistes. Pour autant, avant la libération du territoire national, il ne va pas à Londres. On n'a pas affaire à un émissaire majeur, c'est pas Jean Moulin, c'est pas des acteurs qui vont faire cette navette, c'est pas des Pierre Brossolette, il ne connaît pas De Gaulle. Il rencontre De Gaulle pour la première fois en 1944 à la préfecture de Laval. Donc, on a affaire à un personnage qui est éminemment dans la résistance intérieure. Oui, résistance intérieure, avec ce passage à la résistance, parce que Jean-Pierre Bade, vous nous dites, nous avons ici un homme démobilisé qui ouvre une société en Mayenne, il fait du bois, etc. Et il s'engage dans la résistance. Est-ce qu'on peut avoir des éléments, est-ce qu'on les connaît, du choix de cet engagement? C'est pas une évidence, hein, le choix de s'engager dans la résistance. Alors, évidemment, il y a beaucoup de ressorts sur lesquels il ne sait pas... En tout cas, disons qu'il s'est justifié a posteriori. Donc on a la version de la profession de foi gaulliste en disant en gros que De Gaulle donne les réponses à ces questions, quelque part. Pour autant, on peut imaginer dans un premier temps que c'est d'abord un élan nationaliste. Très rapidement, un sens aussi du savoir-faire, puisque très très vite, il sait organiser sa clandestinité, il sait monter son réseau, il devient très rapidement chef de son propre réseau. Pour mémoire, son numéro 2, Le Guernet, se sacrifie pour lui au passage d'un barrage à Feld-Gendarmerie. Et pour dire à quel point les relations étaient intimes et liées à cette guerre, la veuve Odette Le Guernet de son numéro 2 devient en réalité sa secrétaire jusqu'à sa mort, et au-delà de sa mort devient la vestale de la mémoire faucartienne. C'est un peu oublié, mais en fait, Odette Le Guernet était vraiment, après l'épouse Isabelle Fénoliot de Faucard, la femme, entre guillemets, la plus proche. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le fait que il est affilié au bureau des opérations aériennes, ça veut dire que très très vite, il est dans la branche action, et c'est un jeune homme, de manière... a posteriori, là aussi, il dit que les choix qu'il fait sont extrêmement téméraires, des coups de main lorsqu'il va déclencher l'opération Tortue en 1944, et comme beaucoup, je pense, de Français de son époque, la frustration de ne pas s'être battu, la frustration de ne pas avoir pu prendre part, et cette place dans la branche action lui donne une sorte de restauration d'une fierté nationale, d'une fierté politique, quelque part. Et tout ça est offert par le gaullisme. Et donc, si vous voulez, il y a une première guerre qui va être la guerre de la résistance intérieure, et une deuxième guerre qui va être 44-45, qui est en fait tout aussi importante et souvent oubliée, qui est son intégration dans les services spéciaux. Puisque il est rapidement repéré par Jacques Chaban-Delmas, qui est le directeur de tous les réseaux des délégués militaires régionaux. Donc Faucard revêt l'uniforme quand même à partir des batailles de la Libération. Et puis, il va s'entraîner dans une arme très très particulière qui va être une forme d'élitisme qu'il va garder jusqu'au bout de sa vie, qui est le parachutisme. En 1944, la France, qui avait déjà quelques petits bataillons de forces spéciales, si vous voulez, parachutistes avec les Britanniques, va utiliser pour ses services spéciaux le parachutisme comme creuset du bassin action. Il va y rencontrer par exemple Paulo Sarès, qui va être son second dans le montage de plusieurs opérations. Alors, des opérations, il n'en fera pas forcément, mais il y a une sociologie et une culture à ce moment-là qui va profondément imprimer Faucard. Pour mémoire, il est bombardé lieutenant-colonel, quand même. En réalité, son grade réel, c'est capitaine, et toute sa vie, en tout cas jusqu'à l'âge lui permette, il va être réserviste du service action. C'est-à-dire que les années 40-50, il faut imaginer que, à récurrence de tous les deux mois, par exemple, alors ça va varier sur les périodes, il fait des périodes de réserve auprès du 11e choc, la branche action au camp de Sercotte. Il saute en parachute, il tire au pistolet, il va parler avec tous ses officiers, et il continue d'être pour eux, parce qu'il monte petit à petit et qu'il vient, entre guillemets, des rangs de la résistance, commence à être la courroie, une des courroies, entre la conscientisation gaulliste, l'interprétation de ce qu'est le gaullisme, et cette génération qui sort de la guerre. Avec toujours ce phénomène générationnel, et quand il est question de Jacques Faucard, nous l'avons bien dit tout de suite, c'est l'Afrique qui vient en tête, même si à ce moment-là, Seconde Guerre mondiale, l'Afrique semble loin pour Faucard. Lui, c'est la résistance intérieure du côté de la Mayenne, mais il fait partie de tous ces hommes, ces femmes de cette génération, qui ont bénéficié d'une éducation qui leur offrait une certaine vision de l'Afrique. Le terme d'empire, évocateur de la suggestion administrative et de la conquête récente, correspondait bien à la réalité. La France, cependant, avait déjà fait parcourir au peuple qu'elle avait rassemblé une première et importante étape. N'avait-elle pas substitué son pouvoir pacifique et civilisateur à l'anarchie, à la stagnation politique et économique et quelquefois à la tyrannie sanguinaire? Oui, mais il restait une seconde étape à parcourir, accorder les droits de l'homme et du citoyen à tous les indigènes, et c'est ce qu'a réalisé la 4e République. Ah, une vision particulière de l'Afrique, hein. C'est Michel Devez qui s'exprimait, historien, homme politique, juste après la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en 1947 et justement après la Seconde Guerre mondiale, que fait Jacques Foccart? L'Afrique, ce n'est pas encore dans ses préoccupations au lendemain de la guerre. Ah, ça y est, pas du tout. Il faut préciser qu'en 1940, il prend malgré tout le temps de créer une société d'import-export, la SAFIEX, qui va se spécialiser notamment dans l'import-export en direction de la Guadeloupe. Je rappelle quand même que jusqu'à 1946, jusqu'à la constitution de la 4e République, la création de l'Union française, il y a des départements, il y a des territoires d'outre-mer. Enfin, tout ça reste un grand ensemble colonial. Et donc, la SAFIEX se déploie un peu partout. Bon, vous pas sûr il va lui rôle, mais ça lui donne, j'insiste là-dessus, une autonomie financière. Il ne sera jamais fonctionnaire, il vivra de manière autonome, il pourra faire ses choix politiques, donc sa longévité politique, par rapport à cette autonomie. C'est un point très important parce que ça fait que, pour la suite, De Gaulle jamais n'aura à lui faire sa carrière, n'aura jamais à se séparer de lui, et d'un commun accord, ça arrangeait très bien les deux hommes. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, ben, comme je vous disais, Chaban le repère, il rentre très vite dans ce qui va devenir le RPF. Et le Rassemblement du Peuple Français, le parti du général de Gaulle. Et au départ, il n'est pas forcément la tête montante, il doit en fait animer les réseaux du côté de la Mayenne. Bon. Puis d'ailleurs, les élections, c'est pas trop... Enfin, être candidat aux élections, c'est pas trop son profil. On lui demande de se retirer. Peu importe, il rentre dans les structures du parti gaulliste. Et il va très rapidement... Alors encore une fois, là, au tout début, il est pas dans les premiers, dans les têtes d'affiche, mais il va très rapidement s'imposer. Alors, il va s'imposer, disons, sur deux créneaux. Le premier qui va être l'organisation politique du parti. Et le deuxième qui va être l'Afrique. L'organisation politique du parti, c'est le fait que... Il va tenir son rang, il va s'occuper de plusieurs fonctions que je vais vous décrire. Mais surtout, quand De Gaulle fera sa traversée du désert et qu'il prendra de la distance par rapport au parti, en fait, De Gaulle, à partir de 1954, deviendra secrétaire général du RPF. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que lui fait fonctionner, depuis la rue de Solferino, le RPF entre 1954 et 1958. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut voir que de 1946 à 1958, il monte dans l'organigramme du parti. Foccart devient un homme essentiel dans le parti. D'autant plus essentiel que De Gaulle étant rentré dans sa phase de mutisme, il faut bien que quelqu'un parle à sa place pour entretenir les réseaux. Et puis, sur l'Afrique, c'est en fait au départ, pas un malentendu mais presque. On est sur l'époque de la panthéonisation de Félix Eboué, qui était décédé en 44. Il faut s'occuper de la veuve Eboué. Et dès 47-48, on dit à Foccart, écoutez, ce serait bien que les réseaux, la mémoire, la France libre, l'Afrique, débrouillez-vous. Puis ça commence à bien marcher, on lui trouve un siège de conseiller de l'Union française, il commence à tourner à travers tout le réseau, dans un premier temps, des correspondants du RPF en Afrique coloniale. Il faut bien rappeler que c'est pas non plus un réseau très progressiste, au contraire, c'est les grands planteurs, c'est quelque chose qui voit tout mouvement politique africain comme menace. Et Foccart va partir, en fait, sur l'animation de ce réseau des correspondants du RPF à travers une lettre qui s'appelle la lettre à l'Union française. Mais parallèlement, il va commencer à découvrir, fréquenter dans les années 50, plusieurs personnalités élues, du africain, hein, d'AOF et d'AEF, au Palais Bourbon, à Paris. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, il y a plus d'élus africains que jamais en France. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec Félix Houphouët-Boigny dans les couloirs, ou Léopold Sédar-Senghor, ou d'autres personnes, comme Mouzin Koulibaly, dans les couloirs de l'Assemblée. Donc, vous êtes dans une forme d'intimité, qui est un moment historique très particulier et qui s'évanouit après, de ce crépuscule colonial décrit par Frédéric Cooper. Et en même temps, de contact... Foccart lui-même admet en 1958 que l'hypothèse d'une indépendance en 60 était mais un horizon très lointain. Donc on est en train de faire toutes ces relations. Et le grand paradoxe, c'est que cette 4e République coloniale de l'Union française, en même temps, Foccart est contre. Parce que c'est pas qu'il est pour l'indépendance de l'Afrique, c'est qu'en fait il est pour le retour du général de Gaulle. Donc lui travaille à créer les conditions du retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est l'agenda du RPF. C'est cet agenda qui nous intéresse avec une chronologie très fine, toujours après la Seconde Guerre mondiale, autour de ce destin de Jacques Foccart. Jacques Foccart, rencontre l'Afrique. L'Afrique qu'il imagine, c'est un peu cette Afrique que nous avons pu entendre dans l'archive, c'est-à-dire l'Empire. L'Afrique, c'est les colonies, c'est la puissance française. Foccart est dans cet univers-là. Oui, il l'est, mais comme le sont aussi les gouvernements de la 4ème République, ce sont des... Si vous voulez, il y a une perspective générale à ce moment-là qui est la guerre froide et les guerres de décolonisation. Et à partir de la guerre d'Indochine, notamment le virage de 49 avec l'arrivée de la République populaire de Chine dans le jeu, il y a l'idée que quand même il y a l'intrusion communiste, la subversion, et que tout mouvement de contestation anti-français risque une infection communiste d'infiltration. Foccart lui-même, dans son ADN, est anti-communiste. Le RPF fait cette profession de foi. Donc, oui, il est là-dedans. Et en même temps, il n'est pas aux affaires au sens où lui, il n'est que, entre guillemets, responsable du parti gaulliste. Donc lui, il défend une certaine vision de la France, certes, mais enfin, il défend d'abord ce segment-là. Donc il ne faut pas faire de téléologie, l'erreur c'est de faire l'anachronisme, de voir le Foccart des années 40-50 à l'image de celui qu'il a été dans les années 60. C'est pas du tout ça à ce moment-là. Dans ses fonctions au RPF, le Rassemblement du Peuple Français, Jacques Foccart rencontre l'Afrique. L'Afrique, je l'ai... surtout j'ai eu l'occasion de découvrir à la demande du général de Gaulle, et j'ai été élu par le groupe RPF du Sénat, et pour moi ça a été là la véritable rencontre avec l'Afrique. Oui. D'abord avec le pays, et puis avec ses dirigeants, ses leaders comme on dit, qui sont devenus par la suite président de la République, président d'Assemblée, ou ministre, ou enfin... tous des gens importants, puisque en fin de compte, dans le cadre de l'Assemblée Union Française, l'élite africaine s'est formée à la politique. Et j'ai eu toujours beaucoup d'intérêt à tous mes contacts africains, et je crois que c'était réciproque, parce que bien souvent les Africains me l'ont prouvé. Sur Radio France Internationale, en 1986, Jacques Foccart évoque sa rencontre avec l'Afrique. Alors l'Afrique, le pays, comme il dit, petit lapsus de 1986. C'est intéressant toujours ce genre d'évocation. Jean-Pierre Batte, le rôle de Foccart à l'intérieur de ce parti gaulliste, le Rassemblement du Peuple Français, quel est-il? C'est prendre des contacts, c'est d'avoir des relations privilégiées avec certains dirigeants d'Afrique? Alors c'est avant et après 1954 qu'il faut comprendre la chose. Avant, donc, il n'est, entre guillemets, que le responsable de... À l'époque, son titre, d'ailleurs, c'est Dom Tom, puisqu'on est dans une séquence coloniale. Et donc, oui, c'est de se débrouiller pour que le RPF arrive, à la faveur des élections, mais au-delà, à la faveur de toutes les activités politiques, à avoir une emprise. Je rappelle que la 4ème République voit pas toujours d'un bon œil les déplacements de De Gaulle. Quand il part en Afrique, il est quand même surveillé par les différents gouverneurs coloniaux. Et puis voilà, comme dit Foccart, on est sur une période où, enfin, c'est assez impensable aujourd'hui. Pendant 15 ans, on va avoir enfin 12 ans, on va avoir une fréquentation dans les couloirs du Palais Bourbon, de tous ces acteurs, d'une république parlementaire. Donc voilà, c'est un momentum historique qui n'a pas eu son égal, qu'on a souvent oublié d'ailleurs. Et j'insiste là-dessus, Foccart se fait reprocher par les coloniaux de ne pas avoir d'expérience coloniale, de ne pas avoir d'expérience de terrain durable. Donc il a un regard très politique au sens partisan pour De Gaulle. Et puis après 1954, le sujet va être double, c'est entretenir ce réseau. Je rappelle, le moment, c'est la grande élection de 1951. Bon, malgré tout, le RPF n'arrive pas à faire toutes les percées qu'il veut. Et puis, c'est faire vivre le parti. Faire vivre le parti, ça veut dire faire vivre les correspondants. Et donc, il doit, de manière paradoxale, entretenir des relations avec des hommes politiques africains et avec le lobby colonial des colons, qui est quand même le fonds de commerce du RPF. Et là, donc, il y a un sujet, c'est que Foccart, et c'est peut-être sa première... Alors, c'est un homme qui est sur le temps long, hein, c'est pas un homme d'effusion, c'est pas un homme de coup de sang. Donc, il va prendre conscience à ce moment-là que les interlocuteurs avec lesquels il travaille, je pense notamment à Félix Houphouët-Boigny, qui était une cible, ou à Léon Mba au Gabon, qui étaient tous deux dans le réseau du Rassemblement démocratique africain, des cibles des lobbies des planteurs coloniaux. Il va petit à petit se rapprocher d'eux et se retrouver, mais de façon comme à peu près avec tous les clients gaullistes en 1958, dans une position paradoxale où il sait qu'à la fois il va devoir travailler avec eux parce que c'est l'avenir, et en même temps il va devoir liquider les dettes de ses, enfin les passifs de ses soutiens électoraux. Et donc il est dans cette position de l'entre-deux qu'il ne doit pas solder tant qu'il est sous la 4ème République, mais qu'il y sera clairement posé entre 58 et 60. Parce que Focard, c'est l'Afrique, bien sûr, mais pas seulement. Il œuvre aussi en France pour permettre au général de Gaulle d'accéder au pouvoir. La date de 58 est majeure dans cette histoire. Oui, alors il faut rappeler à ce stade de l'histoire que Focard fait partie de ce qu'on appelle le petit cercle fermé des barons du gaullisme. Donc, faut imaginer qu'une fois par semaine, Maison de l'Amérique latine se réunissent les Chabans, les Debré, les Guichard, etc. Et qui travaillent quand même au retour du général de Gaulle. Chacun avec un rôle plus ou moins ordonné, mais enfin en 58, le retour de Gaulle n'est absolument pas une donne évidente. Et Focard, lui, va être un rouage, on va dire, des crises du 13 mai 58. Avec cette capacité tout à la fois de maintenir des contacts directs et indirects, comme à peu près tous les barons, avec les forces de contestation de la 4ème République, toutes les forces, hein, d'abord à Paris et ensuite avec les putschistes, notamment avec l'opération Résurrection, où ils rencontrent le colonel Tomaso, où ils sont au contact de tous ces gens. Ça, c'est pour la main gauche et pour la main droite, de rester assez proche de Gaulle, qui lui dit « surtout ne prenez contact avec personne et ne faites rien », ce que Focard dit avoir interprété comme de surtout faire tout ça sans qu'il y ait de traces d'empreinte qui le relient à de Gaulle. Bon, c'était un peu compliqué, mais... Et du coup, il va se retrouver même sur les dernières négociations à Saint-Cloud, à être le chauffeur d'abord de Monnerville pour les discussions avec de Gaulle, puis après de proposer donc un accord à Monnerville et Le Troquet, le président donc du Sénat, on va dire, et de l'Assemblée nationale, de les amener directement auprès du président René Coty pour leur dire, écoutez, au stade de la crise, allons directement rencontre au président pour la crise constitutionnelle. Donc il joue sur ce frein, cet accélérateur, il retrouve tous ses réflexes de la guerre, et je pense qu'au fond ça l'amuse. Il fait 15 jours de clandestinité dans le quartier latin, il dit lui-même qu'il détruisait quotidiennement toutes ses notes pour ne pas se faire attraper. La réalité, elle est très certainement beaucoup plus triviale, c'est que on retrouve dans les dossiers DRG, les différents dossiers de surveillance de police, le fait qu'il était à peu près tracé, on savait qui c'était. Alors, a priori, les réflexes de la clandestinité, il les avait bien gardés, parce que pendant les 15 jours, on ne sait pas exactement où il loge dans son garni du 5e arrondissement, mais pour le reste, la police de la 4ème République, c'est à peu près ce que fait ce groupe d'activistes, hein. Mais il y a cette excitation en ce moment. Il faut imaginer que Focard se reconnecte un peu à tout ce crépitement algérois. Simplement, le 4 juin, quand il atterrit à Alger, et justement, il se fait prendre un peu par le col, j'ose pas dire par l'épaulette, mais par le col, par tous ses camarades du 11e choc, hein, de la branche des services action, qui disent, bon, en fait, du coup, fallait qu'on saute ou pas, parce que nous, on était très très chaud, en fait. Et toute l'astuce de Focard, c'est de dire, à partir de maintenant, et ce point est important, il assume d'être un peu le régulateur entre les passions anti-4ème République, les passions politiques de cette période, et la défense du général de Gaulle. Et j'insiste sur ce rôle d'interface très discret, d'interprète, on pourrait dire, parce que toute sa vie, il va faire ça. Ouais, toute sa vie, c'est vraiment, et à vous écouter Jean-Pierre Batte, cette lecture que l'on peut avoir de l'existence de Focard, un jeu qui n'est même pas double, qui va être sans doute plus que double et qui peut parfois être triple, avec la situation très particulière de cette année 1958. Nous parlons du mois de juin, et puis à la fin de l'année, il y a le changement de République et De Gaulle au pouvoir. Focard est toujours auprès du général De Gaulle. Alors, c'est même plus Focard. Il commence l'année 58, rue de Solferino en tant que secrétaire général du RPF, avec tout ce que ça veut dire, hein, demander à Pompidou quand même de penser à voir où en sont les finances, alors que Pompidou y aura pris de la distance, réussir à faire vivre en fait la chose. Juin, lorsque De Gaulle va à Matignon, il devient son conseiller technique pour l'Afrique. Décembre ou janvier 59 si vous préférez, il devient son conseiller technique pour l'Afrique. À ce moment-là, il n'est entre guillemets que conseiller technique pour l'Afrique. Il n'est pas encore secrétaire général. Le secrétaire général de la communauté va être créé. C'est, si vous voulez, l'Élysée fonctionne avec... L'Élysée de la 5ème République fonctionne avec deux secrétaires généraux. L'un qui est le secrétaire général de la présidence de la République, qui existe toujours, et l'autre qui est le secrétaire général de la communauté, qui deviendra, en 1961, le secrétaire général des affaires africaines et malgaches, mais qui est une deuxième structure liée à la communauté. Alors, Focard, lui, dans un premier temps, il n'est que, je mets tous les guillemets, conseiller Afrique entre janvier 59 et avril 60, parce que la communauté, c'est encore un véhicule institutionnel, administratif. C'est le constitutionnaliste Raymond Jeannot, hein, qui était un des rédacteurs derrière Debré de la Ve République, qui va l'occuper avec quelque chose en fait de très formel. Et Foucart, lui, en revanche, il ne fera que de la politique avec 4 mandats auprès de De Gaulle. On dit l'Afrique, mais en fait, il doit s'occuper de 3 autres sujets. Les Outre-mer. Bon, ça c'est un peu l'évidence, mais je rappelle quand même que jusqu'en 1986, très souvent, le Conseil Afrique faisait aussi les Outre-mer. Deuxièmement, la relation avec les partis gaullistes. De Gaulle n'a reconnu que le RPF, mais enfin, il fallait bien que quelqu'un fasse l'intendance, si j'ose dire. Et puis troisièmement, la relation avec les services spéciaux. Et c'est en fait d'avoir ces 4 touches sur son clavier, sur sa composition, qu'il conserve jusqu'en 1969, qui fait que Foucart réussit à avoir une lecture, sinon panoptique, du moins transversale des divers outils français. Et parce que les services de renseignement sont là aussi au cœur de ses activités. L'Afrique, c'est une chose, mais Foucart et l'Afrique n'est rien si l'on ne met pas en place tout ce que vous venez d'évoquer, Jean-Pierre Batte, et les renseignements avant tout. Alors les renseignements, c'est quoi? Les renseignements officiels ou les renseignements de réseau qu'il a pu lui-même se constituer? Alors, le mandat qu'il reçoit, c'est le renseignement officiel. C'est le renseignement officiel, ce qui n'empêche pas, lui, en tant qu'homme de renseignement, avec un goût, une culture du cloisonnement, du secret, comme il disait, hein, secret de Dieu, secret de deux, secret des dieux, secret de trois, secret de tous, c'est un homme vraiment extrêmement mutique, très carré, bon... lui va très rapidement comprendre que il faut, selon son vocabulaire, défendre le précaré, c'est-à-dire défendre, quelles que soient les formules qui vont sortir, le domaine, ce qui va devenir du domaine colonial à l'Afrique indépendante pour maintenir l'influence française. Et là-dedans, les services secrets, à travers notamment un homme, qui est le colonel, enfin à l'époque le commandant Maurice Robert, va avoir un rôle très important, c'est-à-dire réussir à sécuriser les amis de la France à travers tout ce réseau. Alors il va y avoir notamment la création des postes de liaison et de renseignement qui vont être des postes du SDEC, donc l'ancêtre de la DGSE, le SDEC, qui devait en fait faire plus d'assistance technique qu'autre chose. Parce qu'on a toujours tendance à voir Foucart comme un déstabilisateur, c'est l'inverse. Lui, son but, c'est de stabiliser les amis de la France et de faire de l'assistance technique pour créer des renseignements africains qui soient alliés des renseignements français et qui soient aussi des verrous pour ces régimes. Maurice Robert du SDEC, on croirait dans OSS 117, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, est avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture. On m'a accusé d'être l'homme de Foucart au SDECE. Je n'ai jamais nié que je travaillais de façon très étroite avec lui, mais c'était l'intérêt du service comme l'intérêt de la France, pour des raisons tout à fait particulières, qui sont que le renseignement a besoin d'orientation, si vous voulez, et que je recueillais là l'orientation directe du président de la République par l'intermédiaire de Jacques Foucart pour la recherche des renseignements sur l'Afrique. Donc notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter l'instabilité politique. Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes françaises et africaines. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez autour de vous un gars qui vaut pas un clou, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là, nous étions très directifs. Maurice Robert qui s'est exprimé c'est pour le documentaire France-Afrique de Patrick Banquet. Dites-nous, Jean-Pierre Batte, quand on entend des propos, alors bien sûr on est a posteriori et c'est un témoignage partisan vu que c'est l'acteur lui-même qui s'exprime, c'est très clair ce qui est dit là. On parle même de pouvoir éliminer un opposant s'il est trop enquiquinant. Oui, alors en l'occurrence quand il dit éliminer, c'est écarter politiquement là, c'est pas éliminer physiquement, c'est pas une opération en mots. Pour l'entourage qu'il évoquait, hein. Mais le but, comme il dit, c'est de construire ces institutions dans une forme d'assistance technique. Je crois que l'expression est importante ici. Et il y a l'idée pour Foucart, Robert, puis bon, oui, ils étaient très proches, hein, Maurice Robert et Jacques Foucart. Ce qu'il ne dit pas là dans l'interview, c'est Maurice Robert, c'est que dès 1947, il adhère au RPF, qu'il échange directement avec Foucart, qu'en 58, il est chef de poste du SDEC pour l'AOF, donc à Dakar, de 55 à 58, que dès 58, il y a Focard, en fait, on peut faire plein de choses. Il faut créer un secteur Afrique, il faut réussir à développer tout cela. Et bon, ma foi, ça fait partie de cette politique de consolidation des alliés de la France, parce qu'ils ont l'impression, à ce moment-là, de partir de zéro, de construire les institutions. Voilà. Bon. Il y a d'ailleurs des personnes assez connues, comme le commissaire Jean Fauchiveux du service de documentation camerounais, qui a été un élève de Maurice Robert, et qui le revendiquait jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il y a cette première idée-là. La deuxième, c'est quand même que Focard n'est pas, il met, comme je disais, cloisonne, ça veut dire qu'il ne met pas tous ses atouts dans le même panier. Il développe lui-même ses structures d'information, de renseignement. Pour lui, c'est peut-être, il rejoue le jeu de tous les outils qu'il développe, mais après, il choisit quel outil est le plus fonctionnel pour lui. On oublie souvent que, pour les mêmes raisons, il soutient le développement du service de coopération technique internationale de la police, le STIP, qui va permettre justement la consolidation d'une culture de police de renseignement également. On est dans une prolongation de plusieurs outils, qui, ou personnels d'ailleurs, hein, qui étaient en Afrique juste avant. Et enfin, le fait que lui considère qu'il doit effectuer la synthèse de tout ce qu'il arrive à collecter. Dans ses archives, on s'aperçoit que, suivant les pays, il reçoit les bulletins d'information, les télégrammes diplomatiques, les notes de renseignement du ministère des Armées, du STIP, du SDEC, du Quai d'Orsay, de correspondants particuliers, de correspondances parfois que certains ambassadeurs lui adressent manuscrites en marge de la correspondance officielle, ou alors carrément de rapports de correspondants intuitus personnés. Parfois d'échanges téléphoniques, je reviendrai sur cet objet aussi. Bref, c'est lui qui arrive presque avec toute cette synthèse. Il a quand même des dizaines de chargés de mission autour de lui qui font des synthèses par pays. C'est pas un homme seul. Il a l'hôtel de Noirmoutier. C'est une structure avec de véritables moyens. Il arrive à avoir sa lecture des outils français. La part des interventions dans les archives Focard est extrêmement importante. Donc il sait qui est placé où dans le système. Et c'est peut-être ça où il faut un peu dézoomer la parole de Maurice Robert, qui lui-même a dû quitter le ZEC dans certaines circonstances en 73, qui lui-même était pris dans des querelles internes. Voilà. Donc on a affaire à cette architecture-là, assez fine, construite sur longue durée. On parle quand même d'une relation avec De Gaulle qui commence, alors ok, en 44, on va dire 47, qui se termine en 69. On parle d'une longévité politique et d'une sorte d'unité, c'est pas une tragédie, mais une sorte d'unité quand même de temps et d'acteurs extrêmement longue qui va en gros de 45 à 68. Et ça, ça joue. Ils se voyaient souvent, De Gaulle, Focard? Tous les soirs. De Gaulle et Focard. Donc De Gaulle avait instauré la rencontre avec les quatre grandes tous les soirs. De Gaulle parlait donc au secrétaire général de l'Élysée, au directeur de cabinet, au chef d'état-major particulier et au secrétaire général de la communauté. Et Focard, qui était un homme de détail, avait cédé son rang protocolaire, il devait passer deuxième après le secrétaire général, avait cédé son rang protocolaire en disant « Non, mais je passerai dernier. » Conscient qu'il disposait ainsi de tout le temps nécessaire, alors ça durait 20 minutes, une demi-heure, mais de tout le temps nécessaire s'il fallait pour développer certains aspects. La grande force de Focard, c'est que c'est un des personnels politiques qui, dans la République gaulliste, que ce soit De Gaulle puis Pompidou, hein, quelles que soient les évolutions de son périmètre, est toujours là. Donc en fait, on lui pose une question, il est là, il répond. Alors je parlais du téléphone. Focard, le téléphone, c'est un outil de gouvernance quotidienne, évidemment avec tous ses correspondants, ses réseaux, mais aussi avec les présidents africains. Il faut imaginer qu'il a établi un entretien à minima hebdomadaire, mais évidemment plus fréquent, avec Oufouet Boigny, d'autres présidents, mais Oufouet Boigny, c'est le plus intéressant, tous les mercredis. C'est-à-dire tous les mercredis, ils font un tour d'horizon ensemble de la situation géopolitique de l'Afrique. J'insiste dessus parce qu'on a l'impression souvent que ce serait Focard qui, dans son cabinet noir, déciderait de tout, alors qu'en réalité, c'est d'abord parce que c'est un personnage qui cherche à se connecter en permanence, qu'également, certains interlocuteurs font de la politique à travers lui. Oufouet a fait de la politique à travers lui, a fait passer ses messages, et très certainement, Oufouet connaissait, contrôlait tout aussi bien, sinon mieux, ses règles du jeu. C'est comme ça, si vous voulez, qu'on voit cet empilement, cette stratification d'acteurs. C'est vrai après pour l'arrivée d'Albert Bernard Bongo, qui est dans la Omar Bongo, c'est vrai pour des échanges avec le président Hidjo, c'est vrai pour un peu tout le monde, et il y a comme ça cette stratification. Et on oublie souvent de regarder la partie africaine, et qui informe tout autant, c'est un jeu collectif. Voilà, il n'y a pas que Focard qui parle au téléphone quand il appelle Félix Oufouet-Boigny, donc en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut le rappeler, Focard voyage, il voyage au Mali, à Bamako, entre autres. Arrivé ce matin à Bamako, M. Jacques Faucard, secrétaire d'État à la présidence de la République française, chargé des affaires africaines et malgaches, assiste ce soir à une réception officielle offerte par le président Modibo Keïta, avec qui il s'est déjà entretenu dans la matinée d'ailleurs, peu de temps après son arrivée. Je voudrais que ce voyage soit sous le signe de l'amitié profonde qui lie le peuple malien et le peuple français. Cette amitié qui a été forgée bien souvent dans l'épreuve et qui est basée sur le respect et sur l'estime réciproque. Ah, l'amitié toujours, hein. C'est pas des réseaux, mais c'est de l'amitié en 1968. Jacques Faucard se trouve au Mali. Jean-Pierre Batte, vous êtes historien, archiviste, paléographe, toujours cité à l'école des chartes, associé au CNRS, à l'école nationale des chartes, donc, et ancien responsable du fonds Faucard aux Archives nationales de France et l'auteur. Alors, on pourrait citer tous les livres, parce qu'ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres. L'histoire du renseignement en situation coloniale, hein, que vous avez co-dirigé aux presses universitaires de Rennes, fait comprendre l'importance de tous ces réseaux de renseignement et les réseaux Faucard ou la fabrique des barbouzes. Quand on écoute Faucard s'exprimer calmement, il exprime une vision de l'Afrique, il parle d'amitié. En fait, quelle est sa conception des relations qui doivent se mettre en place entre la France, ancienne métropole, et ces pays d'Afrique? Dans son idée, il assume le terme, il y a la notion de précaré. C'est un terme qui est repris à Louvois du XVIIe siècle. C'est l'idée qu'il y avait un domaine d'influence et que, en gros, De Gaulle lui dit la colonisation est archaïque. De Gaulle, son problème en 60, c'est l'Algérie, hein. L'Afrique subsaharienne. Donc il dit bon, voilà, débrouillez-vous pour trouver les formules d'influence pour que nous restions la puissance que je souhaite que nous soyons. Bon, en fait, c'est assez flou. Et on peut faire la liste de toutes les constructions institutionnelles d'influence dans les républiques, hein, que ce soit, on l'a dit, les services de renseignement, mais également la constitution, l'accompagnement de constitutions administratives, d'acteurs. C'est l'époque des conseils techniques, faut imaginer, enfin, on connaît plus ça, mais dans les années 70, le ministère du Plan en Côte d'Ivoire était surnommé le ministère du Blanc. Tout ça, enfin vraiment, on ne mesure pas, c'est bien fini, c'est bien loin, quoi, cette époque. Donc voilà, c'est la haute époque de la coopération, le maître mot, c'est ça, c'est le ministère, le secrétaire d'État, puis le ministère de la coopération, où il y a cette continuité, bon, ils veulent parler de cette espèce d'intimité, de continuité, de collaboration. Bon, ça, c'est une chose. Il faut bien voir quand même, c'est souvent le récit qu'on fait institutionnel, il faut bien voir que derrière, il y a aussi la vision politique que développent des acteurs. Et j'insiste là-dessus, Félix Houphouët-Boigny est le partenaire numéro un, le primus inter pares. Dans les correspondances manuscrites que Faucard entretient avec son réseau proche, hein, Jean-Maurice Chaubeaupré, qui était conseiller de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Philippe Le Théron, qui va être notamment conseiller d'Omar Bongo à Libreville, Pierre de Bizet, le patron du SAC, qui un temps va passer au Tchad, peu de temps. Enfin, dans ses correspondances, il parle d'Houphouët comme de Big Brother. Donc, c'est l'idée que c'est le grand frère qui doit tenir. Pourquoi ? Parce que Houphouët réoriente, refaçonne les choix stratégiques du Rassemblement démocratique africain, qui, je le rappelle, était le premier grand parti d'opposition coloniale créé en 1946, et que très rapidement, notamment après l'implosion de la Fédération du Mali, très rapidement, il va le réorienter pour que ce soit un RDA de gouvernement, un RDA pragmatique, un RDA qui dit, plutôt que de chercher les symboles immédiats de mon positionnement, je veux d'abord avoir des garanties. Et Houphouët, le premier, quand on lui dit l'indépendance en 1960, il est déçu. Lui dit non, moi je veux, à partir de 58, que vous me donniez le temps pour bien asseoir mes outils, mon influence, mon pouvoir, et après, l'indépendance viendra couronner. Donc en fait, c'est la gestion de ce temps historique très, très spécifique qui dure quoi, 10-20 ans. Hein. Faut pas le fantasmer, encore une fois. C'est pas une recette avec des ingrédients de toute époque. Non, c'est vraiment inscrit dans une séquence chronologique très particulière. Et donc Faucard, là-dedans, il considère qu'il est le facilitateur entre De Gaulle et les chefs d'État africains. Et donc, il est l'oreille de ces chefs d'État. Il parle peu, il donne des conseils. Donc, voilà. Et il sait en plus rester à sa place. Il y a un truc, c'est qu'il reste toujours en coulisses. Il a une forme d'éloge tout à fait aujourd'hui un peu étonnant, mais de Mobutu qui dit, mais voilà, il nous parle en ami, jamais il ne se met à notre égal, il continue à nous expliquer quelles sont les orientations stratégiques, etc., etc. Avec un personnage qui est en relation avec Koffet Boigny, par exemple, dont la conception de l'Afrique peut correspondre à la conception gaullienne de l'Afrique, la notion de précaré Vauban, dans une lettre à Louvois, le précaré africain est là, mais il y a toujours des dissensions. On peut penser à la Guinée en 1958, qui refuse d'entrer dans la communauté et qui obtient son indépendance tout de suite. Alors ça veut dire que là, quelqu'un comme Jacques Foccart n'a pas réussi à tisser des liens assez forts pour discuter à l'oreille des dirigeants. Paradoxalement, il arrive quand même à parler les choix stratégiques de la Guinée. Enfin, il arrivait à parler à Sékou Touré avant. Non, la Guinée dit non, et là, c'est vu comme... c'est là que c'est très intéressant et que le mindset de la guerre froide revient très rapidement, c'est vu comme le risque d'une déstabilisation de tout l'ensemble géopolitique. C'est-à-dire que les services tchèques proxy des Russes pourraient s'installer, qu'il y aurait alors une manœuvre anti-française. D'ailleurs, les services tchèques sont arrivés à Conakry. Et donc, c'est cette vision globale où Fouad lui dit « Je ne peux pas avoir un voisin hostile alors que c'était mon protégé, je suis déçu par le comportement de Sékou Touré ». Et donc là, il va y avoir plusieurs politiques vont être mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'opération Persil, qui était l'opération de déstabilisation de 1958-59, Foccart, en fait, il y croit pas forcément trop à cette déstabilisation, mais les services vont la monter. Elle échoue, évidemment. Mais Oufouette, lui, il croyait beaucoup. Oufouette considère que, il y a, puisqu'on reprend toutes ces expressions, un glacis, il faut sécuriser des zones. Et d'ailleurs, à un moment, Maurice Chaubeaupré, le collaborateur de Foccart, parle d'une doctrine, hein, en disant il y a trois cercles, les alliés extrêmement sûrs, extrêmement stables, il y a les zones grises avec des coups d'État, il faut voir dans quel sens ça part, et puis il y a le au loin, les zones hostiles, les renversements, les retournements d'alliance. Bon, en fait, cette cartographie, il faut pas la surfantasmer, hein, elle se dilue assez rapidement. Les accords secrets de défense sont dénoncés dès les années 60, il y a une série d'accords secrets de défense qui sont dénoncés. Toute cette architecture, ce que Antoine Lazare a appelé un système intégré, ça vit en fait une vingtaine d'années, puis après chacun commence à faire son marché dedans, l'oriente, le tourne, et suivant les pays, après il y a des relations bilatérales qui se développent de manière différente. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une sorte de grand manteau qui est jeté sur tout ça, parce que il y avait cette idée, et je reviens aux archives en tant qu'ancien archiviste, mais il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas toucher les marques de les preuves et tout. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que les archives de Foccart, encore une fois, je le répète, 400 mètres linéaires, sont versées à partir des années 70 aux archives nationales, que lui-même, il décide de les donner aux archives nationales et pas à une autre institution, parce qu'il le fait, mais vraiment en tant que là, pour le coup, vestal gaulliste, en disant je donne ça et j'inscris De Gaulle et tout ce qu'on a fait à la suite, parce qu'on parlait de sa représentation mentale, à la suite de tous les grands dirigeants. Donc ça va aller, en gros, des layettes du trésor des chartes jusque à la présidence de la Ve République, en passant par les cercueils de la loi de la Révolution et tout. Et d'ailleurs, c'est gardé pas très loin des cercueils de la loi, les archives. Bon. Et donc, voilà, au final, lui, il considère qu'il a géré ce temps historique, que c'était sa mission. Et quelque part, en fait, il est orphelin quand De Gaulle part. Et toute la question, c'est comment interpréter le message gaulliste une fois que De Gaulle a quitté le pouvoir. Et c'est là qu'un nouveau cliquet dans sa vie s'engage, qui va être de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la politique gaulliste sans De Gaulle? Alors lui, il dit oui. Hein. Lui, il dit la préservation de l'héritage. Parce qu'à partir de 69, puis à fortiori 68-74, ça va, parce qu'il est avec Pompidou, il reste secrétaire général de la communauté, même si Marie-France Garraud, Pierre Juillet sont en embuscade. Bon, après 74, il y a quand même une vraie question que les barons se posent, c'est est-ce qu'on fait de la politique avec le néo-gaullisme? Où est-ce qu'on se retrouve dans le néo-gaullisme? Comment on interprète ça? Et Foccart, lui, il va interpréter auprès de Jacques Chirac cette espèce de fil rouge des relations, notamment auprès des chefs d'État qui perdurent, hein, où Fouette le premier, cette relation, cette incarnation, il devient un peu le prisonnier de lui-même, quoi, parce que désormais, il est cette espèce de fil rouge entre l'héritage gaulliste et le devenir gaulliste. Il est secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgache. En fait, c'est Monsieur Afrique, du général De Gaulle, du président Pompidou et de Jacques Chirac. Oui, mais qui est Jacques Foccart? France Culture. Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbous. Le cours de l'histoire. La fabrique des barbouzes, histoire des réseaux phocards en Afrique. Jean-Pierre Batte, c'est le titre d'un de vos ouvrages. C'est quoi un barbouze? Il y a plein de façons de faire. Ça rentre dans le dictionnaire Robert en 61. Mais bon, enfin, le barbouze, c'est la fausse barbe. Et donc, la définition du Robert, c'était rapidement de dire c'est le policier, c'est l'espion. Il s'avère que dans l'histoire gaulliste, ça prend une connotation particulière, puisque les barbouzes, c'est le nom qu'on a donné aux groupes et organisations qui ont combattu notamment les partisans de l'Algérie française au bénéfice de Gaulle, donc l'équipe de Le Marchand ou autre. Mais de manière plus large, c'est l'idée que c'est quand même cette main gauche de l'État qu'on n'arrive pas bien à discriminer, dont on n'arrive pas à faire l'histoire, que ce serait en fait la boîte noire qui expliquerait tout. Alors, moi, en tant qu'archiviste et historien, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec cette explication, parce que d'abord, c'était tombé dans le miroir aux alouettes des sources où tous ces acteurs de l'ombre, évidemment, se sont survendus après. Donc, ils ont dit, on peut pas vous dire ce qu'on a fait, parce que c'est très, très important. Donc, déjà, un, il y avait une forme de ruse de l'histoire où on auto-accréditait des récits. Et puis, deux, il y avait le fait que, en fait, si on recompose les trajectoires de chaque acteur, en fait, il y a des opérations, des hommes, des institutions, des moyens, et qu'on peut réussir comme ça à remettre à plat, mettre des visages sur ces réalités, et arrêter de croire à cette vision qui peut parfois être un peu complotiste de cette main invisible. Bon, alors du coup, les barbouzes, c'est aussi une époque, et j'en viens là, c'est qu'il y a le film de Lodner, Les Barbouzes, sur les espions, avec Ventura, avec Blier, il y a la chanson des frères Jacques, et il y a l'idée quand même que ce serait la part du refoulé de la République gaulliste, l'affaire Ben Barka accréditant tout cela. Faucard lui-même se retrouve emmêlé à cette histoire, alors qu'il n'était pas au courant de grand-chose, mais il va diligenter les enquêtes au sein du SDEC pour savoir à peu près ce qui s'est passé. En 1965, Ben Barka qui disparaît, opposant marocain devant la brasserie Lip à Paris. Et donc, au final, les barbouzes, ça va être aussi... alors, il a eu recours à des moyens à la marge c'est pas tant la légalité, mais à la marge des moyens conventionnels. Il va... donner des feux oranges, et dans ces feux oranges, c'est-à-dire la zone grise où en fait on sait ce que font les gens, mais ils n'ont pas de mandat pour le faire, mais dans la culture générale on comprend qu'ils peuvent faire, dans le domaine sécuritaire, le recours aux mercenaires ou à un personnage comme Bob Denard va devenir un peu le marqueur de ces barbouzeries, en disant bon ben voilà, on peut pas faire, et d'autant qu'on parle beaucoup de Denard, mais avant c'était d'anciens militaires français, notamment Trinquet, qui vont partir, et le personnage de Jean-Maurice Chaubeaupré va être à la charnière de tout cela. Jean-Maurice Chaubeaupré, c'est un ancien sympathisant militant de l'Action française, fils du conservateur de Versailles, donc qui grandit dans un milieu avec tous les codes à la fois du haut du spectre social français et à la fois avec la résistance, parce qu'il va rentrer dans la résistance, il va lui aussi rentrer dans ce goût. Il n'est pas validé dans les services secrets, mais il va garder en permanence ce goût des coups, de l'action. Et à chaque fois que Morichaud, qui sera détaché comme conseiller auprès de tel ou tel président, prendra des initiatives, tout le monde se dira « Mais est-ce qu'il les prend pour lui, pour Faucard ?» Donc évidemment, les détracteurs de Faucard disent « Bah, il est à 100% sur Faucard. » 100%, c'est quand même une question. Il y a des opérations, le soutien à Maurice Tshombé au Katanga, plusieurs échanges. Oui, mais enfin, à un moment, tous ces acteurs aussi, et c'est ça qui est important à dire, vont s'autonomiser. Ils vont se tropicaliser, ils vont passer, notamment après 74, après le départ de Faucard de l'Élysée, ils vont rester très souvent au service des présidents africains, ils vont redevenir les outils de ces présidents. Donc là aussi, c'est ce que je dis, c'est une époque historique où il y a cette circulation et où, en fait, ce recours à la coulisse a énormément fait fantasmer. A raison, hein, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, mais a raison, mais il faut aller au-delà de l'émotion du rideau. Il faut essayer de comprendre. C'est très compliqué, on n'y arrive pas toujours et ça peut être déceptif. Mais c'est bien que ce soit très compliqué parce que cela évite que le chef de l'État soit accusé. On sent bien que dès qu'il y a des contestations avec tous ces rouages et cette complexité, la prise de décision est difficile à identifier. Même Jacques Faucard ne prend pas de décision, mais les choses sont faites, mais il l'a connu ou pas connu, il l'a décidé. Il y a toujours ce flou qui tourne autour de tous ces personnages. Alors oui, et de l'autre côté, Faucard sait affirmer ses décisions. C'est-à-dire que, au moins au niveau des institutions, mais auprès de tous les acteurs politiques, quand il a une consigne claire de Gaulle, il dit « le général veut que, le général m'a dit ». Voilà. Alors là, c'est la consigne, c'est la parole d'évangile, quoi. Ça tombe, clac, c'est pas contestable, et après, c'est à mettre en œuvre. Est-ce que ça marche? Mais pas toujours. Je ne parle même pas de la faisabilité de différentes versions, mais il y a toujours cette question de est-ce que les institutions vont réussir à mettre en marche ? Et donc Foucart, il doit garantir, au-delà de l'état de marche des institutions, que la pensée gaulliste arrive à être mise en œuvre. Et bien, il y a des fois, ça part aussi d'Afrique avec des initiatives qui sont en amont. Et donc, ça fait cette espèce de communauté d'acteurs. Et certainement, quand on parle du précaré, c'est pas tant une géographie, une topographie, si vous voulez, mais plutôt ce momentum historique avec une perception d'acteurs politiques, où Fouad le premier, la première génération de chefs d'État, puis Omar Bongo, bien qu'Omar Bongo commence aussi à développer sa propre pensée à ce moment-là, qui fait sens dans un momentum historique très très particulier. Avec des personnages au destin incroyable, il faut le dire, qui deviennent parfois la caricature d'eux-mêmes, c'est le cas de Jacques Foccart. Messieurs, je vous présente Jacques Tocard, président de Total Fabrique. Enchanté, messieurs. Allez-vous plaire ici? Écoutez, monsieur le président, je pense que poursuivre vos accords avec le groupe Total, c'est aussi poursuivre avec la France. J'ai connu dans ma jeunesse le déchirement algérien, je ne voudrais pas revivre ça une deuxième fois. Monsieur Tocard, nous vous remercions pour votre danse du ventre, mais vos histoires avec vos Arabes, là, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, je constate que vous voulez exploiter nos forêts à des tarifs de mafiosi. Monsieur le président, je voulais simplement... Je te pose une question. Tu m'interromps avec ton éducation de facochère? Tu crois que tu vas venir encore ici nous faire la colonisation? Un extrait du film Le Crocodile du Botswanga, un film de Lionel Sékété et Fabrice Eboué, j'allais dire Félix, c'est en 2014. Mais là, c'est vraiment la caricature voulue de Jacques Foccart, qui est rappelé lors de la cohabitation dans les années 1980 par Jacques Chirac, qui est rappelé par Jacques Chirac dans les années 1990 quand Chirac devient président. C'est un vieux monsieur, Jacques Foccart. Il y a une ligne dans sa vie. On le voit, et vous l'étudiez, vous, Jean-Pierre Batte, on sent que c'est quelqu'un qui a une vision très particulière et qui a pu se mettre au service de différents présidents, mais au-delà même de sa personne. C'est-à-dire que sa vision est portée aussi par d'autres, d'où le système Foccart, d'où le syndrome Foccart. Bah tiens, je donne le titre d'un autre de vos ouvrages. Oui, d'ailleurs c'est amusant sur cet extrait, parce que je ne suis pas certain que les spectateurs du Crocodile avaient identifié la référence à Foccart. C'est amusant pour dire comme quoi le temps passe, quoi. Bon, alors qu'ils avaient vraiment pris le look, la silhouette, tous les jeux de mots sur... Alors, oui, il part. C'est pas tant sa vision que ce qu'il considère être la vision du gaullisme qu'il a comprise. Et à partir de là, en 1974, donc il est remercié évidemment par Valéry Giscard d'Estaing, lequel Valéry Giscard d'Estaing, il faut le rappeler quand même, choisit le numéro 2 de Foccart, René Journiac, comme expéditeur des affaires courantes, et puis le trouve finalement assez efficace, et le garde comme conseiller Afrique. Le secrétaire général est liquidé, mais la fonction de Monsieur Afrique est maintenue. Et donc, Foccart, lui, conserve les contacts avec, notamment les chefs d'État, mais pas que, avec lesquels il s'est entretenu depuis toujours, continue à faire de la politique, et s'interroge sur le choix de politique intérieure à faire. Il met un peu de temps, c'est dans la deuxième moitié des années 70, après 77, hein, notamment après le départ de Matignon, qu'il prend le risque ou fait le choix d'aller vers Jacques Chirac. Et à partir de là, il considère que sa mission, et d'ailleurs c'est un des rares barons, pour ne pas dire quasi le seul à le faire officiellement, à être au bureau politique du RPR, il fait le choix de dire, pour qu'il y ait héritage de Gaulle, il faut que j'aille dans l'équipe de Chirac. Et alors dans l'équipe de Chirac, il dit, ben, puisque c'est comme ça, moi je vais faire le fil avec nos réseaux, nos contacts africains. Et c'est le sens de sa nomination de 86 à 88 comme conseiller Afrique à Matignon, pendant la deuxième cohabitation pour Chirac. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est aussi le sens de son action dans les années 80, et tout particulièrement de 88 à 95 à la mairie de Paris, où il devient conseiller Afrique de Chirac, et où il travaille les réseaux africains pour Chirac, en prenant... tels qu'ils viennent, même s'ils n'y croient pas, une partie des virages, notamment après 1990, la question de l'ouverture au multipartisme. Et à partir de là, Foccart, qui lui est un homme d'ordre, donc en fait le monopartisme, les partis États, ça lui allait très bien, dit bon, mais on a changé les règles du jeu, bah, il faut s'y adapter, et donc il faut aller voir tous les nouveaux acteurs. Et il recrée rue de Martignac, une cellule où il va essayer de travailler tous ses réseaux. Et il prépare en fait quoi ? L'arrivée de Chirac au pouvoir en 95. Donc Chirac le rappelle, mais là on a affaire déjà à un monsieur très très fatigué. Il y a un autre, un de ses collaborateurs, Fernand Vibault, qui devient également un émissaire pour l'Afrique. Et Focard, à partir de là, devient vraiment un monsieur très fatigué. Oui, Jacques Focard meurt en 1997, donc 2 ans après l'élection de Jacques Chirac. Pour terminer, Jean-Pierre Batte, vous nous aviez dit, les archives sont là, elles sont aux archives nationales, bien sûr, mais archiviste paléographe que vous êtes, vous savez que les archives se trient, tout a été donné ou beaucoup a été détruit d'après vous. Non, bien sûr. Les archives nationales n'ont fait que récupérer ce qui avait été versé, disons, en deux tranches, par René Journiac, sur les archives de l'Élysée, et par Focard lui-même qui les a données. Mais enfin, ça se trie, moi j'ai pas détruit. Non, mais pas vous. Mais il y a quand même 400 mètres linéaires, je le précise, parce que c'est quand même, à lui seul, la somme totale des archives, le même volume que pour De Gaulle et Pompidou réunis. Bon, avant de lire les archives, nous allons lire tous vos ouvrages, Jean-Pierre Batte. On retrouve les références sur le site de Cours de l'Histoire, franceculture.fr. Merci vivement à vous, c'était très clair, cette présentation de Jacques Focard, et ça faisait du bien, surtout dans l'actualité africaine du moment. Et l'actualité, pour nous précisément, c'est le pourquoi du comment, Gérard Noiriel. Comment sont morts les migrants clandestins du Sidi Férouk ? Parmi les sujets dramatiques qui font la une de notre actualité, celui des migrants qui meurent en tentant de trouver asile dans notre pays revient régulièrement aujourd'hui. Mais malheureusement, ces tragédies font aussi partie de l'histoire longue de l'immigration. L'un des précédents qui a fait couler beaucoup d'encre dans le passé a eu lieu en 1926. Le 27 avril, un paquebot parti d'Alger, appelé le Sidi Férouk, accosta à Marseille. Les autorités du port découvrirent au fond des cales une quinzaine de migrants marocains embarqués clandestinement, ensevelis sous des blocs de charbon. 10 d'entre eux perdirent la vie lors de cette traversée. Après les destructions causées par la Première Guerre mondiale, il a fallu reconstruire l'industrie française en faisant massivement appel à des travailleurs étrangers. Avec un taux d'immigration dépassant les 7%, ce qui correspond à peu près aux chiffres actuels, la France devint alors l'un des tout premiers pays d'immigration au monde. L'immense majorité de ces immigrants venaient d'Europe, car l'entrée en métropole des sujets de l'empire colonial français fut constamment freinée. Pourtant, beaucoup d'entre eux connaissaient déjà la métropole, puisqu'on estime que 350 000 Maghrébins avaient combattu ou travaillé en France durant la Grande Guerre avant d'être rapatriés. Mais les colons européens, qui avaient besoin de cette main-d'œuvre, multiplièrent les pressions pour entraver leur émigration. Les mesures prises par l'administration pour satisfaire ces colons expliquent qu'en 1930, moins de 100 000 immigrés en métropole étaient originaires du Maghreb. Ceux que la misère poussait malgré tout à l'exil n'eurent pas d'autre choix que de se tourner vers ce qu'on appelle aujourd'hui les filières d'immigration clandestine. L'enquête sur le drame du Sidi Férouk révéla l'existence d'une organisation de ce type à Alger. Elle offrait ses services moyennant une somme de 200 francs par individu, l'équivalent de 2 mois de salaire pour un ouvrier en Afrique du Nord. La presse accorda une grande place à ce drame, car les journalistes de ce temps exploitaient déjà massivement les faits divers susceptibles de mobiliser les émotions de leurs lecteurs. À une époque où la télévision n'existait pas, ce sont les illustrations publiées dans les journaux qui jouaient le rôle essentiel dans ce processus émotionnel. Voilà pourquoi, dans son édition du 26 mai, le petit journal illustré consacra sa gravure de première page à « L'horrible drame du Sidi Férouk », titre d'une illustration qui montrait en gros plan des cadavres entassés les uns sur les autres. Ces articles compatissaient au sort de ces malheureux, mais dans un style qui confortait les stéréotypes dominants sur la population colonisée. Dans l'un de ses reportages, par exemple, le journaliste faisait dire à l'une des victimes qui alertait les autorités sur le risque que d'autres corps n'aient pas encore été retrouvés « Y avoir encore Bézef dans charbon !» L'Humanité fut le seul quotidien qui publia un communiqué de la Ligue des droits indigènes nord-africains dénonçant la responsabilité de l'administration française dans ce drame. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Bonnet. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Cette émission est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et bien sûr l'appli Radio France.